J'ai causé de la peine à ma mère en la ramenant chez les queues. Que les dieux me pardonnent, mais si c'était à faire, ça serait la même. C'est la loi du talion et celle du silence qui veulent ça. Avec celle de la violence qui m'ont fait de battre ça. Désolé ma belle, je suis pas un lover. Du mal à croire en la femme et à lui faire confiance. Car les SMS magiques ont trop une sale odeur. Pas grave ma gueule, on dira que l'amour des frères compense. Même si c'est pas eux que je mettrai en scène, mais sûrement une sale garce qui me laisserait en chien. Non non, désolé ma chérie, je suis pas un lover. Je peux pas t'aimer, et pour ton cœur tu me traites de voleur. Comme l'ont fait l'épicier du coin et le dirlo du collège. Pour être honnête, à l'époque j'ai salivé sur des collages. Ma mère m'a pas toujours grillé, mais le bon Dieu m'a toujours vu. Je suis un connard comme toi, négro, j'en veux toujours plus. Avec le peu de meufs bien qui reste, croyez pas qu'on en aura tous les mecs. En plus pour elle on est tous les mêmes. L'important c'est de gagner, celui qui a dit c'était de participer. Sois sûr que c'était un perdant. Avec le peu de meufs bien qui reste, croyez pas qu'on en aura tous les mecs. En plus pour elle on est tous les mêmes. Un peu de franc parler comme 30 feux. Je passe à Dieu donné mon nombre de conneries, seul Dieu connaît. Les gens m'ont montré du vrai respect, dédicace à eux. Pour les autres dans mes rêves le soir je vous casse la gueule. Je souhaite pas la mort même de mes pires ennemis, donc on les enterre vivants si je peux me permettre. Moi je suis un rappeur, tu me tires dessus je deviens Maurice Green. J'ai dit je suis un rappeur, pas un surhomme, okay. Avec tous les arabes et les noirs qui foutent la merde, c'est normal que tes blancs naïfs deviennent racistes. Et avec tous les blancs naïfs qui deviennent racistes, c'est normal que les arabes et les noirs foutent la merde. Dédicace à Charlie, Michael, Vincent, mon ami. Si tous les noirs étaient mes frères, j'aurais honte de ma famille. Plus fier que moi, tu crèves, mon père s'en mord les doigts. Moi je m'en lave les mains, ma meuf en pleure le soir. Je suis pas un gangster si tu l'avais pas compris. Moi je me la raconte parce que je suis pas allé en zompris. Avec le peu de meufs bien qui reste, croyez pas qu'on en aura tous les mecs. En plus pour elle on est tous les mêmes. L'important c'est de gagner, celui qui a dit que c'était de participer. Sois sûr que c'était un perdant. Avec le peu de meufs bien qui reste, croyez pas qu'on en aura tous les mecs. En plus pour elle on est tous les mêmes. Un peu de franc parler comme 30 feux. Je passe à Dieu donné mon nombre de conneries, seul Dieu le connaît. Ma daronne comprenne que même avec mon bac plus, je peux finir en jaune fluo sur mes Air Max plus. Et nos meufs pensent qu'on est des gros cons, car on préfère que nos fils soient voyous plutôt que pédés. Juste un tête-tête avec Sarko, j'aimerais le faire. Triste à dire mais le politicard le plus vrai, Jean-Marie Le Pen, de ce qu'on appelle les sales têtes. Moi j'ai fourré leurs filles, normal qu'ils me traitent de sale nègre. Et quand tes parents sont en galère de fric, repense à tout ce que t'as donné aux dealers de shit. On juge pas un homme à sa chute, non, mais à sa façon de se relever. Jamais testé l'extra, contrairement à certains refrains. Assez naïf pour avoir de vrais amis dans ce monde. Si je me trompe, dommage pour eux, négro c'est marche ou crève. Un peu de franc parler en attendant la paix dans ce monde. Non, je plaque, ça on sait tous que c'est de la foutaise. Avec le peu de meufs bien qui reste, croyez pas qu'on en aura tous les mecs. En plus pour elle on est tous les mêmes. L'important c'est de gagner, celui qui a dit que c'était de participer. Sois sûr que c'était un perdant. Avec le peu de meufs bien qui reste, croyez pas qu'on en aura tous les mecs. En plus pour elle on est tous les mêmes. Un peu de franc parler comme 30 feux. Je passe à Dieu donné mon nombre de conneries, seul Dieu connaît. Avec le peu de meufs bien qui reste, croyez pas qu'on en aura tous les mecs. En plus pour elle on est tous les mêmes. L'important c'est de gagner, celui qui a dit que c'était de participer. Sois sûr que c'était un perdant. Avec le peu de meufs bien qui reste, croyez pas qu'on en aura tous les mecs. En plus pour elle on est tous les mêmes. Un peu de franc parler comme 30 feux. Je passe à Dieu donné mon nombre de conneries, seul Dieu le connaît. Ok, je représente tout le monde sauf les bâtards. Bon, je représente personne alors. Monsieur KR.